Un tournoi qui se termine, un autre qui débute. C'était la 47e édition du tournoi Atom Pee-Wee qui se déroulait hier dans le secteur de Dolbeau. Et pour en parler, ben, il sera là. Comme Pierre-Luc Ménard a fait la semaine passée, ben, ce sera le président David Lamontagne qui va être avec nous pour parler de cette 47e édition. Salut David! Salut David. David, 47e édition cette année. Du côté du tournoi Bantam, moins d'équipes que l'habitude. Est-ce que c'est également le cas du côté de la Tombe Pee-Wee? Non, nous autres, on a quand même gardé la même moyenne que d'habitude. On a 34 équipes. Okay. C'est sûr qu'on a deux catégories, la Tombe Pee-Wee. Mais normalement, à chaque année, ça ressemble à ça. Ça joue aux alentours de 33, 34, 35 équipes. Là, on a 34 équipes. Okay. C'est-tu pas mal toutes les mêmes équipes que l'an passé qui reviennent? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes de la région, c'est normal, mais du côté de l'extérieur, est-ce qu'il y a des équipes quand même qui viennent qui sont de l'extérieur qui vont être ici en fin de semaine? De l'extérieur, il y a les équipes. On a une équipe de Chibougamau. Okay. Il y a deux équipes de Val-Bélair. Il y a Val-Bélair qui viennent pas mal toujours à chaque année. On a des équipes qui reviennent à chaque année. Après ça, on a cette année une équipe de Lebel sur Fusion. Ah, OK. Oui. J'imagine que ça c'est dans la catégorie Atom ou dans la catégorie Pee-Wee? On en a dans toutes les catégories. OK. Dans la catégorie Atom, puis catégorie Pee-Wee, Chibougamau, c'est catégorie Atom, mais Val-Bélair, tant que je regarde, je pense que c'est plus catégorie... Val-Bélair, c'est une catégorie. OK. Donc, c'est pas ouais. Tellement dur de recruter des équipes, là. Ben, c'est plus difficile un petit peu pour les équipes double lettre. Ah oui? Oui, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est comme ça à chaque année. OK. Peut-être que c'est pas mal généralisé dans la région. OK. Si on parlait du président d'honneur, vous êtes allé chercher un bon président d'honneur que tout le monde connaît très bien en ville, Jean-Nic Saint-Pierre. Oui, on a le même. On était associé avec lui l'an passé aussi. C'était sa deuxième année. C'est un super bon président d'honneur. C'est vraiment important d'avoir un président d'honneur comme ça. Il va nous chercher les partenaires, il va nous chercher. Il est impliqué. Puis c'est dommage qu'on le perde l'an prochain. On nous faisait 2 années avec nous autres, donc on va le perdre l'an prochain. Ah, si tu veux, j'ai que c'est un gars très occupé, puis surtout qu'au niveau du soccer, il s'implique aussi un peu partout, donc les gens le connaissent très bien. Dis-moi maintenant, les activités ont commencé hier? Oui, on avait 4 matchs. Déjà hier. 4 matchs, OK. Oui, on avait 2 matchs à Dolbeau, 2 matchs à Mistassini. OK. Il va avec les résultats, c'est sûr et certain. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs. Dans la Tourma, les Bulldogs de Saint-Félicien ont remporté la victoire 3-2 sur les Castors de Lolo. OK. À Tombe B, on avait 2 matchs. Les Lions d'Alma, les Éperviers de Normandin ont fait un match nul de 2-2. Okay. Ensuite, Sénateurs de Saint-Félicien ont une victoire de 6-2 sur les Hurricanes de Mastoyache. Ensuite, dans la Tombe 2C, les Sables de Roberval ont battu notre équipe locale, les Rapides de la Saint-Jean-Nord, 6-0. Okay. Ça se poursuit ce soir. Ce soir, on a 3 matchs. Okay. On a des équipes locales. On a les Éperviers de Normandin qui jouent ce soir. On a les Castors de Dolbeau qui jouent ce soir aussi, dans la catégorie Pee-Wee Bay. David, de ce que tu connais, c'est sûr que tu connais, on peut pas tout connaître les équipes. Est-ce que les équipes locaux ont quand même des chances de bien performer? On espère. Ouais, de toute façon, ça va sur la pérennité du tournoi. On n'a pas de certitude, mais dans les équipes locales, je pense que quand on fait un tournoi, on recommence en eux. Je ne sais pas vraiment là les équipes les plus fortes ou ça dépend des années comme l'an passé on a eu une belle confrontation dans le PV2C. C'est pas toujours les équipes qu'on pense qui vont gagner qui gagnent. Donc, on rappelle évidemment que sans la possibilité des commanditaires, ce serait impossible de faire ce tournoi-là. Donc, on va y aller on va remercier les commanditaires. Si tu permets, David, de mémoire. Oui, on a de nombreux commanditaires. Non, c'est sûr, mais les principaux. C'est vraiment généreux de leur part, puis c'est important aussi pour leur hockey mineur, en général. Et en plus d'avoir deux tournois collés 2 semaines d'affilée, c'est... c'est quand même bon. Là, on a été chercher beaucoup de commentaires. Okay. Si on y allait maintenant avec les adresses Internet, donc j'imagine que vous avez un site Internet et également un Facebook sur les médias sociaux. Ouais. Donc, on va y aller avec les pour savoir, connaître en direct les résultats. Il y a des photos, c'est comme, un peu comme les autres tournois, c'est ça? Oui, on a les résultats toujours, puis on a le classement. Il y a sur Facebook, c'est Tournoi Atome Pierre. Okay. Puis on a tous les résultats. On essaie d'en mettre le plus possible, de fournir... Il y a toujours notre site Internet, c'est atomepiwi.com. Okay. On peut toujours passer par le site du hockey mineur de Lebeau-Mistassini pour rejoindre notre site Internet. Mais tout au long du tournoi, on essaye de mettre le plus d'informations possibles sur le Facebook. Je sais que le Facebook vire pas mal. Puis, on met les résultats, puis on met tout ce qui est utile dessus, les billets de moitié-moitié. Nos reportages vont être là aussi. Ouais. Ben David, un gros merci. On se reparle tous les jours, pas mal même au même poste. Parfait. Voilà le président du tournoi Atome Pee-Wee de Dolbeau-Mistassini, David Lamontagne.